ces bons stands. La falcon est Prozac, multicolore, indécis, tabagisme et collal. Karma, flic et coma, c'est le quartier populaire où tout le monde se connaît, où tous mes potes pullèrent. Du goudron dans l'air et des après-midi chez Looping. Un pack de bière, un pack de club et puis je fuck le footing. Les murs pleins de fresques et de phrases au Tipex. La vérité, les gamins qui nous écoutent, nous pas Deep Set. Marécage street, souvent en Reebok. On veut le cash, mais on fait tâche dans ce mouvement hip-hop. Rare comme du fric propre ou un pote qui tape un flic flac. On a envie de croque nos caries dans un Big Mac. Y'a des dents qui claquent bêtement, le petit leur pèse. Y'a même des muets qui rappent et des cul-chats bêtes comme leurs pieds. Tant je gratte des pièces et les bleus tendent des pièges. J'assume les risques du métier quand le quartier danse des pierres. Nos épaules courbées sous le poids des amandes. On s'emmerde à la longue, fume des blunts à l'amande. L'estomac sous contrat avec les fast-foods. Les petits n'écoutent plus les profs mais les paroles sur les basses lourdes. On s'étrangle, noyé dans le whisky coca. Bête comme nos pieds, ouais. On réfléchit avec nos Nike. On vient de poker avec nos cloud. Avocat et parquet, c'est la course à la maille. Bravo marqué par terre. En décalage, cousin, c'est rare qu'on se connecte. Tu as à la fois long comme Alban et perfectionniste comme Mez. La folie devient une habitude, l'odeur du bitume. On a baisé l'effet de groupe pour la solitude. Écriture sans thème, avec les mots adéquats. Utilise Karama, du cœur, dédicace à Dema, Philippe et Bender. Marécage, trip mon cratère. On se lève avec la fatigue, dort avec du poil à gratter. Un air des chiens battus, les émotions sur le visage. 20 ans d'incertitude, du goudron dans ma pizza. Mes poumons s'étouffent, cousu, vite et perte lacrymale. Une gueule de bonbon, des gros problèmes pour un petit crâne. Le frigor et caramba, c'est putain de puzzle. C'est tension domestique, on fait de ma famille un puzzle. On m'a dit, le trône est là-bas. Les vues, prenez l'arme. Y'a des hauts et des bas, coincé angle rhône et large. Les faux et les braves, ça se crie dans la pupille. Rien d'innocent, y'a pas d'aveugle dans les camps nudistes. Transac et aller-retour, les baskets dans le four. On rêve de lâcher tout et de se poser sur un transat. Lâcher tout, un tas de soucis me saoule, elle me rend sourd. J'ai épousé une débout et puis crever les yeux de l'amour. Ici, les potes m'écoutent, loin des flashs et des scoops. On mange des coups, loupe des cours, les choules sur les bouches des goûts. Les plaques scoop et coupe les rap. On met les bouchées doubles, on dort debout chez nous. Entre fausses routes et aux trous, les poumons tous leur tour. Le monde court dans le gouffre, du whisky dans ma gourde. Les touffes se poussent dans la snouf, du shit dans les couches, pas d'avenir dans les pousses-pousses. J'avance, je me retourne, je bloque, je cours, mais je me cours, cousin. Ça bouffe des zaps, des twitch, des kebabs et du couscous. Le futur est à notre trousse, on est à bout de souffle. Moi j'ai pas trop de secours, je mets Max c'est mon savoir. Ajouté à 5 heures gros, comme celui de Balavoine. Moi je suis le soleil, reste à l'écart de la lumière. Et là, me prend parano, man. Comme un armurier, je suis celui qui traîne le soir. Un manque de confiance en soi. Putain, jamais à l'heure, et ça même avec 3 swats. Je fais mon fight dans l'MP4. Nouveau fil quand c'est étroit. J'ai de la peine à marcher droit, je pisse en regardant les étoiles. On a tous un talon d'Achille, le péon du talon. Imagine le caillou dans la machine. Vérité sur la langue, c'est bille. Mon coin de rue dans la rétine. J'croite mon cratère, n'est que les critères, ta mère et les critiques. Whisky, mélancolie, une cicatrice à la place du cœur. Et même cloué au sol, j'ai pas la pétasse comme cœur. J'rêve de franc et beaucoup de peine. J'évacue douleur et peine. Passe mes nights sur un banc, avec blanc et couleur ébène. Pas de mer ni de Benz, que des retraites permis. Là j'suis pas d'humeur à plaise. Le masque les traits se permettent. Dédicace à Winston, j'ai pas la voix à Whitney. Allo Houston, j'ai plein de problèmes à régler vite fait. J'reste discret, pendant que des bâtards achètent leur langue. Putain, j'ai la migraine, j'ai de rafale de la falle. Passe un brick et une clope, j'emmène mes poumons dans la fosse. Putain, faudrait que j'arrête avant d'avoir un trou dans la gorge. Je les roue en Porsche, mais ça a même pas de ticket de bus. Ici la galère c'est normal, comme traiter Britney de pute.